Dans un monde où tout paraît éphémère. Un monde où j'ai juste lancé une instru pour vous divertir. Un monde où je bouffe des épinards surgelés fin dus en priant pour qu'il y ait du cheval dedans. Bienvenue sur Nat Penowild. Celle-ci, c'est pour tous ceux qui achètent des jeans sans les essayer. Pour ceux qui se plaignent jamais, pour ceux qui savent. Mais à l'époque où on savait s'occuper avec rien, où on pouvait toquer chez les potes pour savoir s'ils pouvaient sortir et quand Scred on flippait du clébar. À une époque où j'avais des posters d'Opel Tigra Tuning dans ma chambre et où j'apprenais les textes de This is La Peste par cœur. J'étais amoureux d'Olga Pataki dans Arnold et je trouvais que la daronne dans La Famille Pirate était grave excitante. Le crocodile s'appelait Sakamin. Putain, quel délire. Ce soir, on va tous plonger en arrière. À l'époque où fallait se coucher juste après la météo. À l'époque où on parlait à nos joies. En espérant qu'ils prennent vie. C'est vrai que ça manque quand même. Mon frère, il avait un tam-tam ou un tatou, je sais plus. Un truc qui servait juste à écrire des T.O. et qui coûtait une blinde. Mon daron est roulé en série 7 avec les couilles dans le coffre. Il avait une Cibi et on s'amusait à insulter les routiers et les observer s'embrouiller sur les aires de repos quand j'avais 8 piges. Ma daronne, elle avait une R5, la direction assistée, elle connaissait pas. Ça change des connasses en Fiat 500 à Barthes, incapable de faire un créneau. Même avec 4 radars de recul. Tu te rappelles des darons de 50 ans qui portaient des Air Max et qu'on trouvait grave cool? On se disait qu'ils avaient la classe parce qu'ils nous payaient des clopes alors qu'en fait c'était juste des énormes trous du cul. On en a tous connu au moins un. Un mec qui fait l'ancien devant des petits alors qu'il a juste été au trou pour des excès de vitesse et qu'aucune personne de son âge accepte de le côtoyer. J'avais une sœur aussi. Elle, c'était Artlaker à vif. Et Lévi, c'est Rayman sur le PC. Ce bon vieux PC. Les chats sur Caramel où on pouvait insulter en toute impunité. Le chat de TF1 était pas mal aussi. Je donnais rendez-vous à des meufs de 23 ans alors que j'avais 10 ans et que j'avais pas le droit de sortir tout seul parce qu'on vivait au milieu du ghetto. Une adresse mail La Poste et c'était réglé. Le roi d'internet, c'était Kmayo en pseudo à l'époque. Certains s'en rappelleront. Mes premières cuites à la Boomerang et au Passoa. Mes premiers feux sur la plage où je devais changer de vêtements avant de rentrer parce que je puais le feu de bois. Mes premiers urbex dans des bunkers. Premier scooter où j'allégeais le vario pour faire des wheels sur parking du petit Leclerc. On a tous des souvenirs bien à nous, mais au final, si vous m'écoutez, c'est qu'on est tous là aujourd'hui. À constater la même merde qui nous entoure. On colle des autocollants pub non merci sur la boîte aux lettres en pensant que ça va sauver les forêts. On fait du tri sélectif parce qu'on a vu ça à la télé. Et on bosse 11 mois dans l'année pour kiffer 30 jours. Bordel, ça manque n'empêche. Je sais pas comment finir, je vais juste vous dire ça ce soir. Au pire, on s'en branle. On n'est pas encore mort et j'ai toujours pas la certitude que vous existez. Ce qui compte, c'est la durée de l'illusion. C'est ça qui fait vivre. À bientôt.